Oh, quoi? Marche sur les pieds, mec. Ça va, mon gros. Cool, tiens, bois un peu. Départ est donné, un coup de feu retentit, viens voir comme ça cavale. La course en repenti, entouré de peignoirs, costa cravate. Ça part dans tous les sens, un jeune tous, un vieux fait 100 mètres. Chacun pour soi, Dieu pour tous, faut faire avec, je fais 100 mètres. J'suis bien né de la daronne, mais le damné de la caronne. J'cours après ma centaine, ça c'est l'histoire de l'année de la carotte. Ah ouais, venez courir, vous la trouverez trop rapide. Elle rime disant marcherai petit avant que tous les gros rapides. Puis elle disparaît dans un standard plein, un coup que j'essaie de sourire. La vie est grise et j'fais semblant de la peindre quand j'essaie de sourire. Retourne la ville après la thune. Cette créature, tu la deviens quand tu connais la ville après la dure, putain. J'évite les trous, les pieds dans le tapis, les filets. Futur numéro des crous, les petites qui tapinent, les vilaines. Un bout de souffle, même si t'as l'air sûr, crois pas. Mais j'finirai ma course, même si c'est la galère sur trois. Demande à Charlie, comme boule, bourrage, mort à peine dans le moral actif, comment fous, j'cours à mort après le temps. J'veux faire vite, j'étais moins fier. Après les 16 piges, j'te rappe plus fertile. J'ai besoin d'aide, j'cours après les services. J'te dis, c'est métier, coule la belle vie. Eh oui, les flics me courent après, depuis que je cours après. Souvent les pas de chance arrivent en bande. Et quoi que t'en dises, j'ai pas le temps. J'cours après l'argent car il en manque. La roue tourne après le guidon. Chaque jour sous la pression d'un coup de blues. J'avoue, j'cours après le pilon. Mais j'cours après le savoir. Apprendre c'est pas toute la mer à boire. Talent, je ne veux plus attendre pour le faire valoir. Reste tout à faire d'ici là. Qui pourra taire les ignares. Qui joue à se faire des images. Pendant que j'cours après les syllabes. Un genou à terre, j'ai si mal. Quand je joue à perdre, un goût amer. Ça fout la merde, mais je cours après des miracles. Sur la ligne de Raquel Dozard, je porte l'île de ma team. Sur la ligne, sur ma vie, une paix la guerre qu'aux armes. La défaite a comme un arrière-coup de forest. Et je lève mon doigt quand j'entends saute la barrière court forest. Sur la ligne de Raquel Dozard, je porte l'île de ma team. Sur la ligne, sur ma vie, une paix la guerre qu'aux armes. Évite les mines, la mort au rap. J'attends l'âme, mes ennemis, oui, mais d'abord au rap. Longue est la route, ça fait longtemps qu'un doute m'encombre. Tenu la voûte, jusqu'à ce que les bras m'en tombent. Couru après la gloire, j'ai vite laissé tomber. De vagues rencontres font que les torses restaient bombés. Je cours mais je me fous du cours de la bourse. Choisis la vie tout court, je ne suis pas au bout de la course. Les corps étaient rongés, grippés et le cadran. Pardonnez ces erreurs, les torts étaient fondés. Tout près de chez moi, les gosses de pauvres étaient grondés. Tout près de chez moi, les gosses de riches étaient comblés. On suit le fond du bruit, se jette au fond du puits. Toi comme un con, tu suis la vérité, reste trompé. Si ta vie est un sprint, la mienne c'est une course de fond. Loin d'être un gros gratteur, tout comme les ours le font. Disqualifié pour avoir couru hors de la ligne. Me fous d'être vaincu, sort de la digne. Frère, on reste anti-pop, alors on crache dessus. On sue, on crame le stud comme du stup à chaque mesure. J'ai taffé, j'tafferai pas pour que des petites classes me sucent. Trop de rappeurs servent des cafés pour ça qu'ils te cassent le sucre. On m'a dit, lâche pas, j'te jure, nique tout. Message reçu, Notorious basta. Furious, on casse le boule, basta. Y'a pas de king, pas de big, pas de Notorious, pas de star. Rien que ça kick sur le parking. Depuis les choses nastas, rap les nerfs et la dalle, les détales. J'ai le revers de Natal et celui de la médaille. L'état pétale bétail. N'empêche même d'émerger, j'paierai, j'fais pas de détails. Les bergers, les RG veulent briser l'énergie que l'on abrite. Le chic, l'alcool, la grippe, c'est la tuile, j'aime trop la brique. Les connards crient, dict, puis qu'on agite. Click, puis for my pips, puis pim, sont trop la trique. Sur la ligne de Raquel Dozard, j'porte l'île de ma team. Sur la ligne, sur ma vie, une paix la guerre qu'aux armes. La défaite a comme un arrière-coup de forest. Et j'lève mon doigt quand j'entends saute la barrière court forest. Sur la ligne de Raquel Dozard, j'porte l'île de ma team. Sur la ligne, sur ma vie, une paix la guerre qu'aux armes. Évite les mines, la mort au rap. J'attends l'âme, mes ennemis, oui, mais d'abord au rap.